Chapitre 19e. Olivier Coronal. Derrière le Luxembourg, dans la petite maison entourée de hauts murs et cabritée de beaux arbres, Tom Punch coulait des jours heureux, acceptant tous les événements en véritable sage. Sans avoir connaissance de la doctrine épicurienne, il la pratiquait de point en point. Absolument indifférent à tout ce qui ne touchait pas les joies de la table, il augmentait consciencieusement chaque jour le volume de son énorme bedaine. Les discussions philosophiques ou politiques se réduisaient pour lui à décider s'il valait mieux prendre le champagne après le claret ou le claret après le champagne. Désillusionné du patriotisme militant, après son haut fait du Luxembourg, où l'affirmation de ses principes lui avait valu de longues heures de détention, désabusé des fumées vaines de la gloire, depuis qu'ayant essayé de régénérer le monde par le sirop de tortue, il avait vu ses rêves échouer piteusement et sa cargaison de reptiles enrichir la collection du jardin d'acclimatation, il avait renoncé à de nouvelles entreprises et, sur les conseils de son maître, avait mis un frein à ses lumineuses inspirations. Parfois, abandonnant ses recherches gastronomiques, il drapait son gros ventre dans une majestueuse redingote, couvrait son chef d'un minuscule chapeau de feutre qui, dominant sa large figure rubiconde, lui donnait de faux airs de clown, et le cigare aux lèvres, les mains dans les poches, il s'en allait par la ville, de brasserie en brasserie, se faisant des amis partout. Souriant, bonhomme, il avait l'abord facile, et payait avec une paternelle indifférence les piles de soucoupes, vestiges des somptueuses libations qu'il dirigeait avec art. D'un bout à l'autre du quartier latin, et même sur la rive droite, où quelquefois il avait montré sa prestance mérifique, ses souliers rouges à triple semelle étaient connus de tous les garçons de café, qui ne marchandaient pas leur sourire et leur complaisance à ce client, ponctuel comme une horloge, qui arrivait à 6 heures, prenait gravement son absinthe, et lorsque sonnait 7 heures, s'en allait, abandonnant royalement sa monnaie. Somme toute, les Français ont du bon, disait parfois le Yankee du ton d'un maître d'hôtel appréciant un menu. Ils sont gais, aiment la bonne chair, et décidément leur vin n'a pas son pareil. Fille de la Crima Christi, des Johannisberg. Aussi vrai que William Boltin est le roi des milliardaires, le champagne est le roi des vins. Et de fait, ce jour-là, cette profession de foi ne manquait pas de sincérité. Tom Punch venait de terminer un dîner plantureux autant que succulent, dont le menu aurait obtenu l'approbation de Brillat Savarin lui-même. Plusieurs bouteilles à col d'or, entièrement vides, témoignaient qu'il avait fait honneur à son vin favori. Selon son habitude distinguée, les pieds juchés sur la table, tandis que le reste du corps disparaissait dans les bras d'un fauteuil moelleux, le ventre surnageant comme une bouée, il grattait furieusement du banjo lorsque la sonnette de la porte donnant sur la rue se mit à tinter. Tout en pestant contre le malotruc qui troublait, sans remords, sans travail digestif, il alla ouvrir. C'était le facteur qui apportait une lettre pour Ned Hattison. L'ingénieur était dans son laboratoire. Il se promenait de long en large, et réfléchissait à la conversation qu'il avait eue, la veille au soir, avec Olivier Coronal. Sortis ensemble de chez M. Goldberg, ils avaient fait, au lieu d'aller dormir, une longue promenade nocturne, en continuant l'entretien commencé 8 jours avant, dans la même maison. Les paroles d'Olivier, vibrantes et convaincues, son amour de l'humanité, ses généreuses théories et ses croyances philosophiques, avaient malgré lui troublé Ned Hattison, étaient allés remuer derrière son éducation et ses opinions américaines. Les fibres sensibles de son intelligence l'avaient émotionné étrangement. Pendant toute la nuit, il avait en vain cherché le sommeil. C'était, dans son cerveau, une lutte sourde, une transformation insensible de toutes ses opinions. Les paroles d'Olivier Coronal résonnaient encore à ses oreilles dans leur logique et persuasive simplicité. L'humanité est supérieure au peuple, la paix est supérieure à la guerre. Une révolte grondait en lui contre son père, qui lui avait imposé une mission indigne. Non, l'argent n'était pas tout dans le monde. Il y avait encore des sentiments généreux, des hommes enthousiastes et indépendants. Le veau d'or n'était pas le maître absolu et ne le serait jamais. Lorsqu'il évoquait la figure inflexible de son père, ses gestes cassants, ses paroles haineuses contre les Européens et sa compréhension industrielle de l'existence, il sentait bien quelle transformation s'était faite en lui-même et combien il était différent, maintenant, de l'illustre ingénieur. À travers le prisme des paroles d'Olivier Coronal, il entrevoyait à présent l'œuvre gigantesque de Mercury Spark comme une chose mauvaise, et un repentir le prenait d'avoir mis son intelligence et son énergie au service de la conspiration des milliardaires. Et lorsque, par hasard, il évoquait, dans le décor inélégant de l'hôtel de la 7e avenue de Chicago, la physionomie hautaine et froide de Miss Aurora, il se réjouissait de n'avoir pas accepté, pour compagne de sa vie, la jeune fille au cœur sec que son père avait voulu lui imposer pour servir son ambition. Maintenant il aimait, avec toute la fougue réfléchie de son tempérament. La douceur, la grâce de Lucienne Goldberg, son intelligence ouverte, son charme de parisienne l'avaient conquis. Pour rien au monde, il ne sacrifierait cet amour qui, dans son existence morne, froide et mathématique, avait fait surgir la rêverie, la compréhension vraiment humaine de la vie et le charme inexprimable d'une passion sincère. En épousant Miss Aurora, pensait-il, mon avenir eût été certainement borné par les dogmes inflexibles, les théories impassibles des manieurs d'argent et des actionnaires d'ambition que sont mes compatriotes, William Boltin en tête. Et quoi ? Ce que je sais, ce que je comprends, ce que je rêve, sacrifier tout cela au service d'une heure de haine et de lucre, au culte du dieu dollar. Combien je suis heureux de m'être affranchi. La vie, vraiment bonne et généreuse, me tend à présent les bras. J'ai conquis le droit d'aimer, que ne donnent ni les banknotes, ni la tyrannie creuse et factice du commerce et de la science. On frappa discrètement à la porte. Tom Punch entra, apportant la lettre qui venait d'arriver. Du premier coup d'œil, Ned reconnut l'écriture de son père. En voyant la figure et les gestes irrités de son maître, Tom Punch avait réprimé son ordinaire loquacité et peut tenter de compromettre sa béate digestion par la rebuffade qu'il n'aurait pas manqué de s'attirer, il s'était éloigné, refermant sans bruit la porte du laboratoire. « Bon, » murmura l'ingénieur entre ses dents, « une lettre de mon père, que me veut-il encore ?» D'un geste sec, il rompit le cachet de la missive. Une appréhension le prit. Une angoisse lui serra l'estomac. Son pouls battit violemment. Il lut « de Mercury Spark ». « Mon cher Ned, voici bientôt un an que tu nous as quittés, ou plus exactement, que pour des motifs que tu connais, j'ai été forcé de me séparer de toi, de te faire charger par William Boltin, le président de notre société, d'une mission confidentielle en Europe. Malgré ta mauvaise volonté et ton refus d'assurer ton avenir et notre gloire commune en épousant mes projets, je suis enfin presque parvenu à mon but. De folles idées, de mesquines préoccupations t'ont fait dédaigner l'amour de Miss Aurora Boltin et te poser en obstacle devant ma noble ambition de savant et d'américain. Bien que chargé de nous fournir des renseignements sur les dernières inventions européennes, la torpille terrestre en particulier, tu parais avoir oublié le but de ta mission. Malgré ta conduite déplorable à mon égard, Mercury Spark est à présent, je puis le dire, le premier arsenal de l'univers. La société des milliardaires y a engouffré plus d'un milliard de dollars, et les secrets qui y sont enfouis nous assureront à bref délai une complète réussite. Tu peux voir clairement où nous en sommes. J'ai tout dirigé, tout prévu. Par mes soins, ta réputation n'a fait que grandir auprès de William Boltin et de ses associés. Quant à Miss Aurora, elle attend avec impatience ton retour, et ses sentiments à ton égard n'ont fait aussi qu'augmenter d'intensité. Elle t'aime, et ne s'est pas doutée une minute de ton hésitation à l'épouser. Pendant toute cette année, respectant nos conventions, je ne t'ai fait aucune question à ce sujet. Mais, d'un entretien que je viens d'avoir avec le père de ta fiancée, il résulte que ton absence ne saurait se prolonger plus longtemps. En conséquence, il te faut liquider ta situation à Paris et t'arranger de façon à prendre le City of New York qui part dans 3 jours du Havre. On te ménage une réception enthousiaste. Ton mariage avec Miss Aurora ne sera plus qu'une question de jours et tu reprendras auprès de moi, à Skytown, le cours de tes travaux. C'est, pour toi, en même temps que le succès de nos grandioses et patriotiques projets, la fortune et la gloire à brève échéance. Ton père, Hattison. Ned s'attendait presque à cette lettre. Son père comptait toujours sur lui pour servir son ambition. Cela ne le surprenait pas. Mais arrivant au moment précis où, hanté d'idées nouvelles et possédé tout entier par un amour sans bornes, il sentait s'opérer en lui un changement complet. Le rappel de son père, son ordre formel de regagner l'Amérique, le contrariait vivement. Pendant toute cette année, il avait eu au moins l'illusion de la liberté. Seul à diriger sa vie, d'instinct, il l'avait orientée d'une façon nouvelle. Sa conversation de la veille avec Olivier Coronal avait déchaîné en lui une véritable crise, avait fait éclore 1000 germes d'indépendance et de rébellion. Maintenant, il se sentait un autre homme. Et voici qu'il lui faudrait quitter tout cela, fuir la perspective du bonheur entrevu son amour pour Lucienne, son estime pour les hommes loyaux qui lui avaient fait connaître la sagesse et la vérité. La lettre froissée, dans un mouvement nerveux qu'il ne put réprimer, Ned s'était remis à marcher de long en large dans son laboratoire, tâchant de démêler ses sentiments parmi le trouble où l'avait jeté cette lecture. Mais lui, qui 6 mois auparavant ignorait l'émotion et ne comprenait pas l'indécision, manquait aujourd'hui de calme pour examiner sa situation. Que faire, pensait-il? Certes, jamais il ne consentirait à sacrifier d'un coup toutes ses espérances de bonheur pour les reprendre auprès de son père l'œuvre de haine et de ruine. Non, il romprait avec tous ses affamés d'or et de puissance, il renierait son passé et tenterait tout seul de conquérir sa place au soleil. Il se sentait assez fort pour cela. Quant à Miss Aurora et à ses millions, qu'il n'en entendit plus parler, sinon pour apprendre qu'elle avait fait le bonheur d'un quelconque marchand de jambon. Sur ce point, sa décision était bien arrêtée. De cette façon, exilé d'un pays qui n'avait plus sa sympathie, il aurait la joie, si quelque jour l'avenir le faisait victorieux, de ne devoir son succès qu'à lui seul et d'avoir agi selon sa conscience en dehors des lois meurtrières et des principes d'une fausse civilisation. Mais où l'angoisse le prenait? C'est lorsqu'il pensait à Lucienne. Il s'avouait enfin que son rêve caché était d'en faire sa compagne. Pouvait-il, dans l'état actuel des choses, parler à cœur ouvert? Un scrupule lui venait. Maintenant qu'ayant rompu avec son père, il allait être réduit aux seules ressources de son travail, d'offrir à la jeune fille de l'associer à la vie de lutte et de labeur qui allait être maintenant la sienne. Autre chose encore l'inquiétait. Certes, Lucienne s'était montrée toujours à son égard charmante et de bon accueil. Il pouvait croire que l'amour qu'il avait pour elle était partagé. Réservée lorsqu'il le fallait, sans cesser d'être familière, elle avait toujours accepté les hommages discrets de Ned. Mais, si sa liberté d'allure pouvait être interprétée par un fat comme un assentiment, la distinction native dont elle soulignait ses moindres actes ne permettait pas à Ned cette supposition. Du reste, sa conduite était la même avec Olivier Coronal, qui, reçu au même titre que lui chez M. Goldberg, entourait la jeune fille de prévenance et d'amitié. Plus d'une fois, dans les yeux noirs de l'inventeur, Ned avait vu passer des flammes, vite éteintes il est vrai, mais qui ne l'avaient pas trompé. Aujourd'hui, libre, au seuil d'un avenir dont il ne pouvait qu'esquisser les grandes lignes, abîmé dans ses réflexions, le jeune homme eut tout donné pour connaître la pensée de Lucienne. L'idée qu'elle pouvait aimer Olivier Coronal lui faisait passer des frissons. Avec elle, pourtant, il aurait l'énergie qui triomphe de tout, ne connaît pas d'obstacle. Mais s'il allait se tromper, si le cœur de Lucienne était à un autre, il ne voulait pas y songer, pris d'avance d'une grande lassitude, d'un accablement qui ne raisonnait plus. Bientôt, cependant, maugréant contre la faiblesse qu'il affalait, brisé sur sa chaise, Ned réagit brusquement. Il se retrouva debout, là comme après une nuit d'insomnie, les tempes tenaillées de lancinement douloureux. Devant une glace, ses yeux fixes et brillants de fièvre l'effrayèrent presque. Il est de ces angoisses où la pensée halète, s'essouffle, impuissante à prendre corps, se heurte, se cogne, comme aux voûtes des ruines le vol des oiseaux nocturnes. Ned toucha du doigt le timbre électrique. Il venait de prendre une décision. « Vite, Tom, mes gants, mon chapeau !» Il serra dans son portefeuille la lettre de son père toute froissée. Dehors, sur le trottoir, il s'aperçut que pour la première fois de sa vie, il mettait ses gants en chemin. Au premier cocher rencontré, il donna l'adresse d'Olivier Coronal. Maintenant, il se sentait plus calme, plus maître de lui. Mais sa pâleur était telle que l'automédon le regarda par 2 fois avant de pousser le traditionnel « U, cocotte !» Il lui trouvait sans doute une mine peu rassurante, la mine de ses clients indélicats qui, d'un coup de revolver, se brûlent la cervelle en voiture, à moins que, maladroit, il ne casse les vitres. Ces histoires-là sont toujours ennuyeuses et onéreuses. Ce fut donc avec un réel soupir de soulagement qu'arrivé à destination, le cocher vit descendre son bourgeois sain et sauf. Derrière le Sacré-Cœur, tout en haut de la butte Montmartre, Olivier Coronal habitait une petite rue paisible. Les maisons à 6 étages n'ont point encore tout à fait répandu, dans ces parages, l'ineffable laideur de leur style de cage à mouches. Ça et là, à côté de coquets pavillons entourés de jardins, de chancelantes et dégradées maisonnettes, subsistent encore, vestiges d'une époque qui n'a pas connu la beauté des bâtisses en carton comprimé. Depuis plus d'un an, la sonnette de la porte d'entrée n'avait retenti qu'à de rares intervalles. Retenu presque tout le temps à Enghien, où il dirigeait la fabrication de la torpille terrestre, Olivier Cornal avait dû délaisser sa maisonnette qu'un jardin touffu, seulement clos de mauvaises palissades, entourait. Depuis quelques mois, disposant de plus de loisirs, il avait repris, à l'ombre des vieux arbres, son labeur minutieux et ne l'interrompait qu'à regret. Son domestique, Léon Goupy, dont nous avons déjà fait la connaissance, n'était pas non plus fâché de ce retour, qui lui permettait de reprendre le soir, en compagnie des garçons épiciers du voisinage, les parties de manie où, paresseusement, assis sur ses talons, comme un Bouddha, son éternelle cigarette collée à la lèvre, il trônait aussi sérieusement qu'un guerrier apache fumant le calumet de la paix. C'était bien le vrai type d'un gamin de Paris que ce Léon. Élevé à la diable, avec de gros baisers sonores et des taloches, courant les rues en compagnie de sa mère, brave marchande des quatre saisons, il avait appris mieux que la langue de Virgile, ce parler imagé, narquois et irrévérencieux, dont nos faubourgs parisiens ont la spécialité. Rôdeur et querelleur, aimant mieux muser le long des boulevards que de rester à la maison, connu dans toute Belleville, à 15 ans il allait de pair avec des gaillards du double de son âge, et rusé comme un renard, n'avait pas son pareil pour assister, à la barbe des agents, au défilé d'un cortège, perché dans un arbre ou installé à la cime d'un bec de gaz. « Eh bien, Mme Goupy, et votre garnement, quoi qu'il devient ?» disaient les commères du quartier. « Ah, ne m'en parlez pas. En blanc qui m'en fait faire un mauvais sang. Pas moyen de le tenir, ma pauvre dame. Il est toujours par bois et par chemin. Je sais pas quoi qu'il deviendra, mais pour sûr, s'il continue... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Les uns, c'est ça, les autres, c'est autre chose. Au moins, le vôtre, il n'a pas mauvais cœur. Oh, pour ça, non. C'est pas un méchant garçon, dans le fond. » Quoique maugréant contre ce garnement qui lui faisait tourner le sang, la marchande des quatre saisons finissait toujours par faire l'éloge de son petit homme, comme elle l'appelait. Véritablement, malgré tous ses travers et ses habitudes indisciplinées, celui-ci n'était certes pas un mauvais fils. Il aimait sa mère par-dessus tout, et tout en la faisant enrager, il ne manquait jamais, lorsqu'il rentrait à la maison, de crier à tue-tête « Bonjour maman !» et de l'embrasser vigoureusement. C'était entre eux de continuels colloques. « Comment? Te v'là encore à cette heure-ci? Une heure que je t'attends pendant que ma soupe se refroidit. » Et toujours la même phrase. « Je sais pas ce que tu deviendras, toi. »« Bah quoi ?» disait Léon de sa voix gouailleuse. « V'là-t-il pas une affaire ?»« Alors, si qu'on est à la minute comme des bourgeois, faut le dire. Quoi que je deviendrai ?» reprenait-il. « Bah, ça me regarde. »« Pire, pourquoi que je deviendrais pas quelque chose ?»« On aurait vu plus drôle que ça. » En attendant de devenir quelque chose, il était entré au service d'Olivier Cornal, qui lui pardonnait beaucoup ses défauts en considération de son père, lequel, nous l'avons dit, était resté de longues années au service de la famille Cornal. Le brave homme était mort, victime de son dévouement, en voulant sauver dans un incendie deux enfants oubliés dans leur berceau. Une modeste pension avait aidé la veuve à élever son fils. Au service de l'inventeur, le Gavroche Bellevillois avait bien dû un peu atténuer certaines libertés d'allure et de langage qui sentaient par trop le faubourg. Mais en somme, sans toucher les appointements de notre vieille connaissance Tom Punch, il était loin d'être malheureux. La plupart du temps, enfermé avec ses bouquins et ses plans, Olivier Cornal n'était pas un maître exigeant. Toujours préoccupé par quelque idée neuve, d'une distraction allant parfois jusqu'au comique, il abandonnait la direction de son petit intérieur à Léon, toujours content, pourvu qu'il eût sa tranquillité. Ayant renvoyé son fiacre, Ned Hattison, en face de la petite porte vermoulue qui donnait accès dans le jardin, restait immobile. Il tâchait, mais en vain, de retrouver son habituelle décision. Au moment de franchir cette porte, il hésitait. Qu'allait-il dire à cet homme généreux et bon? Que pouvait-il lui demander? Lui avouer qu'il aimait Lucienne? À quel titre pouvait-il le faire? N'allait-il pas encore le blesser dans son affection, après l'avoir blessé dans son orgueil de savant? Il eut une minute la pensée de fuir, de se soumettre et d'oublier. Mais non, c'était impossible. Son amour pour Lucienne était trop fort. Il sonna.